écoutez Futur Simple sur CKRL 89,1 et nous allons terminer cette première demi-heure avec quelques actualités scientifiques. Valérie, tu veux nous parler d'un exemple de biomimétisme des ingénieurs qui se sont inspirés du pic-bois pour construire un amortisseur. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Il s'agit de s'inspirer de la nature pour nos propres réalisations technologiques à nous autres humains. Et après tout, c'est pas si surprenant ça. La nature, c'est quand même un laboratoire de mise au point de matériaux et procédés qui travaillent depuis des millions d'années au fil de l'évolution. C'est un fait. Et les chercheurs s'en inspirent énormément. C'est ça. Puis les chercheurs, eux, ils n'ont eu que quelques, pour faire la mise au point, c'est peu par rapport à la nature. Non, c'est fait. De quoi on peut s'inspirer de la nature? On peut penser aux matériaux, comme par exemple, il y a deux semaines, on a parlé de la soie d'araignée. C'était notre chroniqueuse Christiane Dupont qui a parlé de la soie d'araignée. Donc, c'est un bon exemple, mais il y a aussi l'os, l'émail, la cuticule des feuilles. Donc, on s'intéresse à ces matériaux pour leurs propriétés physiques, comme la résistance, l'élasticité. L'élasticité, la perméabilité dans le cas de la cuticule des feuilles. Et puis, on peut s'inspirer aussi de la nature pour chercher des dispositifs comme, effectivement, le système amortisseur du pic-bois. Alors, le pic-bois, on l'entend quand brûler dans les arbres. C'est quand même assez... particulier. Ça mitraille. Ouais. Et il faut savoir qu'il inflige à sa tête des chocs qui seraient équivalents à 1200 G. S'il n'avait pas de système pour se protéger, son cerveau subirait un choc de 1200 G. C'est énorme. C'est 1200 fois la gravité. C'est ça, c'est complètement infernal. Et puis un cerveau très, très protégé. Oui, c'est exactement. Il faut qu'il soit protégé parce que nous autres humains, avec seulement 4 à 6 G, ça suffit pour nous envoyer dans les pommes. Il faut subir une grosse commotion cérébrale. Donc, si le pic résiste à ce pic, c'est qu'il a un système pour amortir les chocs. Oui, et il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui viennent de publier leurs travaux dans la revue Bioinspiration and Biomimetics et qui ont donc décrit ce système-là et comment ils s'en sont inspirés pour fabriquer eux-mêmes leur mécanisme amortisseur. Donc, il y a 4 constituants dans la tête du pic pour amortir le choc. Tout d'abord, le bec. Contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas dur. Il a une certaine élasticité. Donc déjà, il absorbe une partie du choc. Okay. Ensuite, il y a une structure, c'est l'hyoïde. C'est une structure qui part, c'est une structure tendineuse qui part de la langue, qui sort derrière le crâne, qui remonte derrière le crâne, qui l'englobe et qui redescend pour se fixer sur le bec. Donc finalement, il entoure toute la boîte crânienne et ce faisant, il répartit le choc, il permet de répartir le choc sur l'ensemble de la boîte crânienne. Sinon, ce qui se passerait, c'est que le choc serait directement transmis du bec à la boîte crânienne au point de liaison entre le bec et la boîte crânienne. Mais là, avec cette structure qui englobe, eh bien, ça répartit sur toute la boîte crânienne. Donc, le crâne lui-même, c'est une cage, c'est une boîte, donc forcément, c'est aussi, ça englobe aussi, ça protège aussi. Ouais. Et ensuite, à l'intérieur du crâne, l'os est spongieux, donc ça permet encore d'absorber le choc. Donc, 4 systèmes qui agissent en série pour protéger la petite cervelle. D'accord, mais comment se sont-ils inspirés, les chercheurs, de ce système pour construire un amortisseur? Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conçu une boîte métallique, une boîte multicouche. Donc, la première couche est effectivement du métal qui se déforme, donc qui peut encaisser une partie du choc. Il y a ensuite une couche élastique qui joue un peu le même rôle que donc cette structure hyoïde qui entoure le crâne. Puis ensuite, il y a une couche d'aluminium qui joue un peu le même rôle que la boîte crânienne. Et à l'intérieur, il y a des petites billes qui jouent le même rôle que l'os spongieux. Donc, ils ont repris chacune des structures naturelles et les ont remplacées par un équivalent de notre technologie. Et puis, au milieu de tout ça, ils ont inséré, pour voir si ça marchait, si c'était suffisamment amortisseur, ils ont inséré au milieu de tout ça des dispositifs électroniques qui sont fragiles. Ils ont inséré au milieu de tout ça. Et puis, ils ont tiré sur le dispositif avec un canon à air comprimé. Les chocs reçus équivalaient à 60 000 G. Et à l'intérieur, le matériel électronique est demeuré intact. Alors, en comparaison, ils ont fait la même test avec un caisson amortisseur conventionnel en résine. Et 25% du matériel électronique avait été détruit dans ces caissons conventionnels. Donc, en s'inspirant du pic-bois, finalement, les chercheurs ont réussi à concevoir un caisson amortisseur bien plus efficace que ce dont on dispose actuellement.